Oui, bonsoir mes chers amis. Bonsoir, je pense que vous allez bien. Le temps que... Oui, Oh gosh, bonsoir mes chers amis. cette histoire ici. Voilà. Le temps que nos amis de YouTube se connectent et je pense que vous allez bien. On demande vous allez bien, donc ne considérez pas Bapasia Congo, hein? Bapasia Congo, Botchena na pembeni. Alors. Toyebi Pasiezali, Toyebi, il y a beaucoup de problèmes. Mais ceux qui t'entourent, ils bossent bien. Comprenez. Ton message à Bongo, même, tu en as passé. Voilà. Et vous me captez très bien sur YouTube. Sur Facebook, je pense que ça va, tout va bien. Je pense que Bandekoya, YouTube, Bazo Captain a bien. Voilà. Toyez, tout commenter, moquer. Mensonge de Félix dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous voyez que 75e, donc 75e anniversaire des Nations Unies, Banda Basala Yango, Assemblée générale où ils ont dédié juste na anniversaire il y a Assemblée générale des Nations Unies. Alors, comme COVID les alliés, le président du monde, moyen bas le déplacement, back in New York, nous savons qu'il y a des ces présidents bas ont regretté Makassi. Décision à il a se déplacer dans New York, les alliés décision il y a bas autorités américaines qui ont demandé aux Nations Unies que bas président bas autorité à bas pays bas se déplacer t'es. Parce que COVID, vous savez, New York, COVID, des amakasi. Alors, Toyebi, comme je l'ai dit, ma président est belé dans le monde. Oyo, bazo regretter makasi. Il fallait bazala déjà, bango déjà, une semaine peut-être assis à Komaki déjà. Voilà. Et Toye, juste au commentaire, Mouké, sur moi, discours, excusez-moi, moi, discours, naïe. Na bureau il y a Nations Unies, na Assemblée générale plutôt. Mais avant tout les gars, na commentaire, na biso, na discours il y a Félix, na Assemblée nationale, na Assemblée générale des Nations Unies. Tout ça là moi commentaire mouqué sur comment on appelle ça les Kinois appellent ça comment sur Kleboa ou bien Niembes de notre ami Fabien Kouswanika, Naïdepes. En réalité, ce sont des organismes où il y a un prix d'excellence dans Batounabiso, dans le Congo. Fabien Kouswanika devrait recevoir un prix d'excellence parce que il faut l'avouer, il faut l'accepter qu'il a réussi. Il y a Kouchak. KO debout, l'UDEPES, Bamilouvor, et Nabakolit, Nabangonion, so KO, KO debout. Donc, au Balobaka, Nakikongo, Balobaka, Makarikari, donc Bakoui, Makarikari, et Namunoronabiso, Makarikari, Temer, et Panabiso, Balobaka, Bakoui, Kibololo. Vous savez, ils sont PC Moutou, Pat. Donc, à quoi qui bololo moutou na se makolo likolo. Vous comprenez? Donc, na minito yo ba milvor, ba toi de pes, Donc, bravo, bravo, félicitations à Fabien Kouchanika. Vous savez, Namondoyo, Makambouzali Mingi, il faut faire très attention que sentiment, fanatisme, régionalisme ou tribalisme et même abino jusque à l'impossible. Parce que, à part Kofinga, à part ben insanité, il n'y a pas d'autre chose que l'UDPS ou bien ben Milivoire peuvent proposer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et Zalakate. Donc, c'est un groupe d'une génération qui a été sacrifiée. Groupe d'une génération qui a été sacrifiée. Par Guru Nabango, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Bolandi, Fabio Koswanika, a bimisi vidéo. Et suite yaba injure, ba insanité. Soyez na ABC bino que une boxe, soyez to lobito tchaka na public. Kofinga batu ya UDPS. Ba milouvor, ba finga ka biso na inbox. Franchement, ngai moko même na vandi na mwasi na ngai na koyiko lo baba insanita ndenge wana te. Na koki jamais ko lo baba insanita ndenge wana. Ça me gêne. Même si tu zali liboso entre biso les hommes, je ne peux pas ko prononcer ba insanité en ndenge wana. Donc, inbox est tondi. Inbox est tondi. Alors, à un certain moment, on s'est dit trop, c'est trop. Il faut quand même qu'on prouve, bato oyo ke non, tous allez, ba camarade, na bangote. Il faut faire très attention. Quand on vous sourit, ça ne signifie pas que tout comme ba camarade, tout ça la kaba blague. Bato ba yebi très bien que Félix Tshisekedi na lobakango, soki bolongoli kombo ya Tshisekedi, na non na ye, bolongoli komba Tshisekedi. Félix est rien, nothing, rien. Pas même sentinelle. Parce que les conditions physiques na ye pe mouto kwa engager le kwa sentinelle azati. Alors, on vient ici pour parler des choses, il y a mboka na biso de l'État, il y a pays na biso. Tozo ya pona ko sala ba blague, te. Alors, Fabien Kouswanika, vous savez très bien que Abanda Moussala Naye journalisme à partir à Congo, il a rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités dans le Congo. Entre autres, Etienne Tshisekedi Wamulumba, tout le monde a interview y a Fabien, na Etienne Tshisekedi Wamulumba, Nandaku Naye na limete. Alors, il y a des gens de va-nu-pieds qui sortent pour Nakofinga, même Moutouango, soyez beaucoup tani naye boye. Physiquement beaucoup taille naïe, aza mutukuta ko pousa na nayote, ako kauka, ah mukubwa, ako kauka, ah chef, ako kauka vieille, ako kauka. Mais talakaka, réseaux sociaux, tout le monde se permet, yako finga. Donc, voilà. Les gars là qui a insulté Oyo à finga qui Fabio Koswanika qui l'a poussé, yako bimisa ba vidéo, wana. Mais ce bout les gars là, c'est un vanipier. C'est un vanipier. Même si il s'est dit à Koli, à Botami, à Zamoana, à Mutambongo, moi riche à Botami, mais c'est un vanipier. Bah toi ndenga na tukutani boye, tukutani na ye. Mais c'est un gars à côté les pembeni kuta repousse en à côté les makuna kopesa mbote kuna vie mbote. Alors, Fabien Kouswanika, pour que Allah qui sait que en réalité, tous alli kobima boye pour la Makamba Mboka. Alors, on ne blague pas avec tout un pays. Aye kobimi sa vidéo. Un jour, Fabien Kouswanika a posté quelque chose na chaîne naye, non, à Lobaki. Qu'est-ce que je dis moi? Il a posté sur Facebook, na page naye, sur Étienne Tshisekedi. Et j'avais posé une question à Fabien Koswanika. Bon, Yomutokutana, Étienne Tshisekedi physiquement comme ça, un jour, il faut revenir nous dire quel type de personnalité Azalaki. Parce que pour moi, Nakoma qui a reçu beaucoup de pages à Fabien Koswanika, Nakoma qui pour moi, en tout cas, Étienne Tshisekedi n'était pas ce que les gens, Babandaï Kolakoye Moi, je pense qu'Étienne Tshisekedi était juste un intellectuel fainéant, quelqu'un qui a été à l'école normale à cette époque-là, El Babandaï Kotanga, ma programme Ezalaki Lokola, ma programme Yassikoti. Donc, c'était un intellectuel fainéant qui a fini ses études au niveau de licence. Et puis, Atikale Kozwa courage, il y a force, courage. Il y a Kotangate. Parce qu'en réalité, classe est si la caté sur le diplôme. Classe continuera toujours parce qu'il faut qu'on s'update. Update, ça signifie qu'il faut s'actualiser. Il faut s'actualiser, il faut lire. Alors, Étienne Tshisekedi ne lisait plus. Abanaï Kotangate, disons. Alors, le diplôme s'est donné cadeau parce que il a été recruté par ma service de renseignement. Il y a un Américain, il y a un Belge. Alors, pour encourager Yassala Makambouana, on lui a bombardé un diplôme qu'il n'a pas mérité, un diplôme de doctorat qu'il n'a pas mérité. Alors, je mets tout le monde à défi. Ceux qui m'ont dit que diplôme, il y a un Tshisekedi, il y a un doctorat, il a mérité ça. Abima, awaya ko prouvé ngayango. Alors, mais moi, en tout cas, de sa vie, banana yebakiye, natikali komo na signe mon côté. Il y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba, que non, ce type était un docteur en droit. Naturellement, on a signé mon côté. C'est que je vis dans Étienne Tshisekedi le courage, il y a qu'on mobilisait Batou, l'étoile. Parce que, pour Ebi, Moutra étoile naïe. Alors, Étienne Tshisekedi avait cette étoile-là, il y a Batouba Sepelanaye. Et vous savez, chez nous, na Congo, on a pesa et l'eau comme ce chantier, mon souci, il faut travailler sur Yango. Les jugements intellectuels, les alakate. Chez nous, les jugements, c'est juste la forme de la personne, pas le fond, Yamutuana. C'est la forme. Alors, on a jugé Étienne Tshisekedi par sa forme et non par son fond. Au fait, Yamutu. Alors, Fabien Koswanika, trop c'est trop, comme je le disais, Ayeko Bimisa, vidéo. Vidéo. Je peux dire un professeur ou Azali Kotangisa Mwana na ye, d'accord, qu'on va dicter tes récitations. Mwana a récité. Alors, récitation, Azalaka, moi, pas c'est ce qui va passer au texte. Ok, ok, qu'on mémorise, et puis, exemple, moi, pas si peut-être pour mémoriser ou réciter textuellement. Vous savez, Ndinto Soufra qui n'a pas récitation à l'école primaire. Mais récitation, oh yo, il y a professeur Fabien Koussonika, na son élève, na lobi étudiante, son élève, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, et Zalaki récitation, moko en réalité, oh répétez ce que j'ai dit. Répète ce que j'ai dit, monsieur. On a vu un Étienne Tshisekedi wa Mulumba qui n'arrive pas. 2 secondes après qu'on peut ça y est, une petite phrase simple. Sujet, verbe, complément. Après 1 seconde, 2 secondes, Étienne Tshisekedi ne parvient pas. Il y a qu'à réciter phrase ouana. Et Zouaki Bango, je pense, toute la journée. Je ne sais pas. Oyo, docteur, il y a droit, il y a ndengenini. Et tu sais que dit ma kamwana ko sala era zaki na mobutu oyebi kaka batu na biso oyebi kaka kwen na biso wana mutu moko soki ya bimi et tu sais que pouvait utiliser le diplôme d'une autre personne, le diplôme dans le sens il y a intellect. Donc mutu musu azo koma azo sala mais bazo signer et tu sais que dit. Mais ce n'est pas lui l'auteur, il y a Eloko Wana. Et ça, la marque belé na bandeko na biso wana. Boyebi yango. Mais L'élève Étienne Tshisekedi Mulumba a suivi Fabien Koswanika toute la journée. Alors, je vais discuter avec Fabien. Je pense que ma bande, combien il a fini pour attendre ça. Ah, excusez-moi, sur YouTube, est-ce que les sons, ça va pas? Namoni Bakomi a activé les sons. Excusez-moi, sur YouTube, les sons, ça va ou ça ne va pas sur YouTube? Excusez-moi, rapidement, Bandeko YouTube. Qui sont là sur YouTube? Qui me suivent là? YouTube, s'il vous plaît. Allô, YouTube. Les sons, ça va? Non, c'est bon, Antonio. Vous dites, c'est bon, vous êtes sur Facebook. Je demande les amis sur YouTube. OK. Merci. Merci, Alice. Merci. Merci. Alors, je disais que Tokostoana Fabio Kosonika pour nous dire au juste Étienne Tshisekedi a silicié ba bande combien peut-être journée na nyonso et beba ki ka mokolo wana et na boni batu mingi ba komilinga inbox batu mingi ya ba milovor ba komilinga inbox ko finga nanu ba fingi ma mère ba fingi batu nyonso et par la suite ba ye koloba oyebi o monaki age Étienne Tshisekedi a koma kité. Donc, l'argument de défense qu'il présente est Ali Age ya Étienne Tshisekedi na Momawana. Alors, maintenant, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème, je dirais, qui s'est posé na Momawana. Oyo peut-être ngaina bino to yebakite to mona kite. C'est un problème nakoyi koloba. Merci Kabila. À ce moment-là, j'ai dit. À ce moment-là, j'ai dit merci Kabila parce que on a failli qu'Ozalana un président idiot de plus. Parce que quand vous brandissez l'argument de l'âge, il y a Étienne Tshisekedi à ce moment-là, mais c'est un monsieur qui était devant Fabien Koswanika pour enregistrer quelques projets naïfs à société pour la campagne électorale. C'est un monsieur qui se présentait pour devenir président de la République. Mes chers amis, si Étienne Tshisekedi n'arrivait pas à réciter une phrase simple, phrase, verbe, complément, à répéter une phrase pareille, dans intervalle il y a 2 secondes, a fortiori gestion Yamboka. A fortiori gestion Yamboka. Comment Étienne Tshisekedi devrait gérer le Congo? Je regrette ma énergie Nanga Nyonso, Fabien Koswanika, Nakoyi Kolobake Nazana Kanda Naye. Parce qu'il fallait abimisa vidéo Oyo Air campagne ne bande Kosalama, abimisa Yango pour que Nabebi sa énergie Nanga ite, Namalili ya hiver. Na Séoul, ko salaba marche pona Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Excusez-moi, Étienne Tshisekedi azalaki homme public, il faut tout lobela yango. À cette époque-là, vraiment, il était affaibli. Je pense que Zalaki Kaka a agité, il avait un problème sous sa santé. Affaibli. Mais Azo Tingamakaka Lokola, moi, naya, nani, le petit là, ya Gabon, nani, Ali Bongo, naba AVC, mais Atingamikaka na présidence. Alors, Etienne Tshisekedi, Alingaï Koko gérer Mboka Ndengeni. Mémoire, le physique affaibli. Mémoire affaiblie. Et ce qui est bon, moni pe ndenge abande a paresaki na vidéo ana. C'est comme na ébité ce qui bande ko bolanda film ya Anaconda. Nani, acteur ya film ya Anaconda. C'est textuellement, c'est comme si des jumeaux avec Étienne Tshisekedi. Je pense que Aden Yamutwana, ce qui va m'aider au salaire, on a étudié ce qu'il dit. À cause de la peut-être un Africain ou yoba immigra kala kala kala kala alors vraiment c'est in extenso. Alors donc batuna batu batu oyo bazali conscient ba milouvor batu ya IDPS ba ye ko découvrir même batu ya IDPS e belé batikala ko mona ki nche seke di boyete ba solo na ye pour sonder est-ce que c'est papa est intelligent ou pas. Alors ba ye ko mona que en réalité est un seke di azalaki coquille vide et lilingi ya boule Bomoni kuna na Islamabad silence bazoluka sikoyo bazana anesthésie baoze la sikoyo anesthésie sila anesthésie oyo Fabien Koswanika a pesi bango alors bazoluka moye ba réanimer bango et après ba ya kozonga lisusu ba yeba ba osala ndenge nini parce que ba toyebi bango bango memo tindi bango na bisika bikauka ata obeti na kombo ya Fabien Koswanika. Na bua ki binomi na bisika bikauki. Ah, ba okende bisika bikauki me bakozonga. C'est comme Satan. Bazaka abatu moko bangwana. Alors, revenons maintenant na discours ya Félix. Na ebite. Un d'abord, na moni batu ebele, il y a un milvor qui m'a écrit. Ah, olobaka Félix a tangate. Omoni, discours à Félix sans papier. Sans papier, discours est très bien. Alors, na ebite bandeko, il semblerait que na Congo classe est comme gratuite. Et je demande à ces messieurs, ndakunaye, na l'école la plus proche, ils allaient combien de kilomètres? Soit ils ont musika to lukwa moyen to supporter ye ya ticket a kenda ka classe. Il semblerait que ils allaient gratuite. C'est-à-dire que les nets ndenge ils allaient boye la technologie ba saleli Félix discours ba komeli na ba écriture minene ndenge na vandi boye ba chelié télévision ya plasma liboso caméra ba tiango likolo ya télévision. Alors, ye azota la ndenge nga azota la boye, nazali na ordinateur sikoyo, ndenge azota la boye, nazomona texte o bakomeli ngai me. Mutu moko akomona teke pe soki nazotanga, mutu moko akomona teke nazotanga. Le texte ezali na écran wana bien na ordinateur ou bien na écran plasma bien na ordinateur. Voilà. Azalai kotanga, vous avez vu ou remarqué que azosala azotanga. Non, attends, t'es si quoi, n'engue ni ni boy, mais dit, quand t'es tout lobby à Félix, Félix est passé à l'école primaire quand même, ça il faut l'avouer. Tous abattu le col à Bawanga, le col à Binoté. Félix est passé à l'école primaire, a joué certificat à l'école primaire, ça c'est vrai. Le problème s'est posé à niveau ya école secondaire, à Kenda qui na quatrième, et si qu'à baby ça qui m'accompagne. Alors. Moi, na école primaire, ako yiko tanga te, texte soba komeli ako tanga ngote, il va lire très bien. Alors, discours na ye, na ko yiko lo ba bomoni titre na YouTube, ezali mensonge comme d'habitude. Ce que Félix a dit, c'est juste dans son imaginaire. Eza na imaginaire na ye. Na okende makamunyo sote tokende moko o na retenir. Yali boso ezali makambu ya gouvernance na gouvernement na ye. Mensonge. Alobi sali programme moko ya chepe équipe ya kuede ye po na bonne gouvernance na corruption. Alors, na ebite ba président o bakolanda ye, ba gouvernement o bakolanda ye, soki bazali na ba ambassade na Congo. Est-ce que c'est un Félix qui peut dire en face du monde que yé azali na équipe à malamu, azali ko sala musala malamu atie équipe pour ba aider na bonne gouvernance, na corruption et projet de 100 jours, parce que le projet de 100 jours ezali juste un tiers, un quart na loba, il y a vérité nyonso. Il y a 100 jours, il y a projet à 100 jours. Donc je disais procès, il y a maison préfabriquée. Ezali un quart, il y a réalité, il y a escroquerie à 100 jours. L'ambassade, il y a un pays où on a vraiment dans le Congo Bazati. Donc Félix, il ment. La famille na ye azokosa. Libanda na IDPS azokosa. Ba Congolais na cash na bango kuna azokosa. Epa ya Kabila azokosa. Ba na Kinshasa azokosa. Na Congo azokosa. En Afrique, il ment. Au niveau sous-régional, il ment. À quel niveau international, voilà ba mensonge. Nani asia moni équipe ya bonne gouvernance na corruption ya Félix. Ke bazo salam salam alam. Lui-même d'abord. Lui-même d'abord, Azali Moutou Oyo soit équipe ou Ezali, c'est vrai, si c'est vrai. Azali Moutou Ali Bosso Oyo, équipe ou il faut pas s'occuper na ye, ye mokonan. Soit to longwe ye moko to leki, et pas ya bana na ye, pardon, ba na yete, excusez-moi les enfants, ba na yete, pardon. Famille, ba noko, ba nani, na ba seme ki na ye. Na kacha biro na ye. Mbongo combien ezo limwa? Alors, biso ba Kongole to yebike, Félix, ce qui a lobi likambo, réalité sur le terrain oye ko salema, ou bien oye salema ki ezali le contraire nango. Ce qui Félix a yebisi bino ke na lali, c'est que Félix a lalité. C'est que Félix a lalité. La seule vérité que Félix dit, Ezali yakolobake kombo na ye Félix Tshilombo. Une autre vérité yakolobake Azali mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Fini. Deuxièmement, aye kolobela ya makambu ya sécurité. Alobi azokoka na ye te. Azokoka kosisa mobulu wana te na S ya mboka na biso. Alobi batu bazo boma, bazo sala mobulu kuna, bazo boma, bazo panza, bazo bebisa. Ezali ba étranger na ba Congolais. C'est-à-dire des étrangers qui influencent les Congolais. Mais ba étranger wana. Félix Ayebi Bangote. Ba président mususu yeba kei soki un pays à côté libango. Ba lo baka kombo ya pays. Ba étranger wana banani. Il dit ba salisa ye pour que asilisa makambo wana. Ba tinda mbongo, ye mbongo toujours. Mbongo nde mbongo. Ba tinde la ye mbongo. Pour que asili sa makambo wana. Mais ce qui batindele mbongo, ye moko d'abord kolongo la commission, rétro-commission kolongo la yango. Ba conseiller na ye bako kata kata. Mbongo wane okoma na banque, okoma na banque centrale, même ekomi na banque centrale. Akotinda bilo mbate, pour que noko récupérer yango. Alors, sécurité o yazali ko senga la communauté internationale ba edeye dans le sens que ba sanctionner batu oyo bazali ko sala mobulu na mboka na biso. Mais Félix oublie les conscients membres ba gouvernement oyo a s'adresser na bango ba yebi très bien que parmi batu ya bazali ko tia insécurité na mboka na biso, Félix ye moko azali na kati. Insécurité à côté de la carte en bon cannabis. Un d'abord, aille au côté de sa tribalisme. atie ba tuna insécurité. Biso boye moye to tambola boye zate ifu koka goulé. On dirait mutazo ke na sanza. Bozali na ete, me ozola tabilamba lokola astronaute o bazo ke na sanza. Wana eza insécurité te wana nyoso to banga bibotu. Pona lingite na boyi ba de borselenga elongi. Biso nan ba beauté scientifique. Siko ba de borselé sous elongi yango, siko yoko ma beauté nini. Alors, la première insécurité na mboka na biso, bon, disons parmi les premières insécurités à mboka na biso, Félix Azana Kati. Félix Azana Kati. Mensonge. Communauté internationale où il a s'adressé ba yebike, Félix na ba dire na ye, na propagande, même na investiture na ye. Aloba ki très bien. Dès qu'azozo a pouvoir, quelques jours après, azoke neko tcha kije na ye na est ya mboka na biso. Communauté internationale na ba yebi que Félix aloba ki, il va mourir pour la paix. Il n'avait pas dit, il va inviter la communauté internationale pour venir mourir pour la paix. Non. Il a dit, lui-même va mourir pour la paix. Les lois commis sont à Okoufa, à Boy Okoufa. Les lois commis, communauté internationale, Baya, Baya Okoufa, une place naïe. Non, vous avez dit, vous allez mourir pour la paix, monsieur. Il faut mourir. Et alors, vite. Il faut mourir vite. Nous, c'est de la paix qu'on a besoin. On n'a pas besoin de toi. C'est de la paix. Mensonge. Aye kokota na mensonge mususu ya makambu ya Ebola. Un d'abord, ba statistique apesa ki mensonge. Monde ba yebi. L'histoire ya premier cas ya Ebola na ya pardon ya corona na Congo. Je parlais d'Ebola mais je voulais dire coronavirus. Mensonge, monde ba yebi. Le premier cas, il y a coronavirus au Congo, était une escroquerie. Bambassade, bazana Congo, bazotala information, ba réseaux sociaux à Congo, bazotala yango. Mensonge. Alobi a tché programme moko ya makasi. Franchement, moi, je suis un tiseke de Moulumba. Lukuta oyo ezali lukuta ya... Parce que ezali lukuta ko yekola te. Non. Lukuta ko yekola, ezali ka boyete. Oye ezali lukuta pirje. Nabo mwana pirje. Na Congo, nani amoni ekipi ya makasi oyo Félix Tshisekedi mboka na biso. Ministre na ye eteni, combien de personnes qu'il a séquestré na cinquantenaire. Batu ya coronavirus oyo bazo bima bango moko, bazo réclamer biloko ya kolia, or moto soit za na corona alia kate, kolia eza na passe mususu kolia na sante. Bazo bina na kati kona basala batia bango. À la fin, il déclare l'argent. Alobi mbongo bo pesa ki biso e kokite. Or, il y a déjà semblant d'enquête. Na lutte contre coronavirus, l'argent a été détourné. Communauté internationale ba yebi ki enquête ezali. Parce que chez nous au Congo les enquêtes, soit ba lobi enquête, donc il faut ko tchang na oubliette. Semblant y enquête ezali. Communauté wana zo senga ba pesa mbongo ba zo monat. Non. Likamba bengi honte, soni. Et il y a avant Félix. Excusez-moi. Likambabengi Sony et il y a avant Félix. Non, Félix a y a avant Yango plutôt. Il est né avant la honte. Tozomona, gestion y a coronavirus. Bambongo qui est belé, l'argent n'arrive pas à destination, à l'hôpital, le médecin réclame, les infirmiers réclament, mais Félix lui dit à 100%, il a réussi, il a maîtrisé le coronavirus dans le Congo. Mensonge. Et, vous voyez bien que Yéna Moutounaïe, na Josephou bakutanaki na ebike azwaki bigogo na yekuna, mais ça ne concerne pas les Congolais. Ils allaient concerner ba Congolais te. Problème mususu ya mbongo ezali que la présidence, il y a Félix, et comme chaque mois, il faut budget à Sika. Et pourtant, budget, en réalité, pour un gouvernement ou une présidence, un gouvernement, budget, c'est la carte annuelle. On estime la dépense et on dispose l'argent. C'est annuel. Hier, côte à côte, le budget annuel pour la présidence a ici en 2 jours, 3 jours. Si la présidence est commis, chaque mois au moins, budget, il faut être là. Et Mbongo, comme vous le savez, budget, ils ont Mbongo, non. Budget, ils ont les provisions. Ce qui est aussi budget, avant échéance, c'est un problème. Budget Zali Mibeko, je ne sais pas. La loi budgétaire au Congo, qu'est-ce que ça prévoit? Si un président voyou financièrement, dilapide l'argent de l'État chaque mois, budget a aussi l'issanaba mois, a aussi l'issan. Budget annuel, il y a aussi l'issanaba mois. Mibeko et l'obinini. Le mois passé, il a encore bouffé plus de 50 millions. Encore plus de 50 millions de dollars. Il a bouffé. Et maintenant, il se prépare pour le mois d'octobre à Sengalisus, et Mbongo a besoin qu'ils soient en réserve. Moi, Mike. Oh, d'abord, ce qui est 1 milliard, Kabila, tiki la kaye, 1 milliard, il a fini ça dans 2 jours. Dans 2 jours, il a fini ça. Alors, Tozui, ba moraliste belé, hein? Bande kwe belé, ba yeli biso na ba inbox, pour ba solola na biso. Non, prof, koloba kaboye te, il faut koloba kaboye, il faut koloba c'est bien bon. Ils allaient bien. Mais le problème est que la situation congolaise n'a pas commencé avec Félix. La situation congolaise a commencé depuis les années des indépendances en Afrique. Bien même avant, parce que, au fait, les colons ne nous ont pas donné l'opportunité de s'autogérer. Ce n'était pas leur problème. Vous savez, au Congo, en 1960, les Congos n'avaient pas plus de 10 universitaires. Les Congos n'avaient pas plus de 10 universitaires. Et là aussi, parenthèse, quand vous dites, Étienne Tshisekedi, dit le premier docteur, blablabla. Mais avant 1960, il y avait des universitaires congolais. En tout cas, je ne vois pas les noms d'Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Naloba yango déjà, kotanga ebanda na ba Congo. Bato ba Congo bakoya ko beta tolo, kotanga ebanda epa na biso. Cravate bango bato balata liboso. Etienne Tshisekedi mutalakisi biso kolata cravate. En quoi? Parce qu'au fait, l'opposition à cette époque-là, l'opposition radicale, à cette époque-là, ce n'était pas Étienne Tshisekedi, c'était l'ensemble. C'était l'ensemble, il y a Batouana Nyoso. Mais vous savez, Batouana Biso, mes beaux-frères, leur problème, Moutou Nyoso, oh, ça, les locaux, yo, aga, geno, biso, bato, sali. Père de la démocratie, Étienne Tshisekedi. Père de doctorat, Étienne Tshisekedi. Père de droit, Étienne Tshisekedi. Père de position à radical, Étienne Tshisekedi. Père de trahison, Étienne Tshisekedi. Mais ce père de la démocratie au Congo n'a jamais pratiqué cette démocratie dans son propre parti politique. Il n'y a jamais eu élection, président à vie. Et voilà le fan, le mouton qui saute, l'école, l'étiquette de père de la démocratie de notre pays. La démocratie, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas un slogan, la démocratie. Et Kabila, avec Félix, ils ont parlé, on ne sait pas de quoi. Moi, je sais qu'il a reproché na Kabila, na Félix plutôt, parce que Félix n'a pas cette énergie ou bien cette compétence de faire des reproches à Kabila. Il n'en a pas la compétence. Alors, Kabila, bien sûr, a reproché beaucoup de choses à Félix. Entre autres, attention, notre deal, c'est de me laisser le pouvoir, de remettre mon pouvoir, ma signature en 2023. Mais nous, nous disons, et Kabila et Félix n'arriveront jamais en 2023. Nous allons récupérer notre pouvoir. C'est le pouvoir du peuple. Bo mata, bo kita, nous allons récupérer notre pouvoir. On ne peut pas laisser tout un pays comme ça, de vanipier, blaguer avec. Comme je disais dans la vidéo précédente, le décor est déjà là. Néhémie l'a dit, Néhémie, c'est Kabila. Le deal prévoit qu'en 2023, que Félix remette le pouvoir. Voilà pourquoi il n'a jamais tenté de s'opposer à Kabila. Jamais alors. C'est un monsieur, oui. Bon, d'abord, avant de s'opposer à quelque chose, il faut avoir la compétence. Il faut comprendre d'abord la chose et par la suite, vous opposez. Mais si vous ne comprenez pas, vous êtes un monsieur, oui. Alors, na histoire où il y a toujours tribalisme, il y a toujours des hypocrites qui viennent pour dire au Congo il y a pas de tribalisme. Vous êtes des hypocrites. Vous allez bah hypocrites. Le tribalisme au Congo existe et nous savons tous de quel coin ce tribalisme à outrance vient. Si vous dites vous ne savez pas, vous êtes hypocrite. Alors, qui est tribaliste? celui qui dénonce le tribalisme ou celui qui pratique ce tribalisme. Mais nous avons un problème d'inversion de valeur. C'est franchement une inversion de valeur. On a donné tant d'exemples. Et je reviendrai toujours à cet exemple statistique. Les Congois, 267 tribus. Le président vient au pouvoir. Il engage 600 conseillers et agents à la présidence. Parmi ces 600, 560 de sa tribu. Le monsieur n'est pas tribaliste. Son parti politique lui-même, l'autorité morale, la suite jusqu'au niveau de la sentinelle, sa tribu. Le monsieur n'est pas tribaliste. Alors, donnez-moi un acte pratique, même théorique, un acte de tribalisme que j'ai posé, moi, par exemple. Alors, maintenant, ça devient, on tente de vous stopper de ne pas dénoncer ces actes de tribalisme qui sont devenus mode de gouvernance avec des mots comme tribalisme, tribaliste, aîné, jaloux, et pourtant bangonde bazali ba tribaliste. Soki to lobby ko mabina euta na lola ko finga euta na IDPS nani ayebi yango te nani ayebi yango te. Quel est cet opposant à un acte de l'UDPS à partir de Tshisekedi Tshisekedi Mulumba jusqu'à présent? Quel est ce Congolais qui s'est opposé à un acte d'un cadre de l'UDPS? Oyo azwa ko finga te, oyo ba finga mama na yete, oyo ba finga papa na yete. Nani atombola musapi? Oui, ko finga uta na IDPS. Et qui constitue l'UDPS? Qui constitue l'UDPS? L'UDPS est un parti tribal. L'UDPS est un parti tribal. Ce que Boyango osa hypocrite. Mais tu es belé, tu es batté que l'UDPS, nos frères et sœurs, Milouvor, ce que vous faites aujourd'hui, les conséquences que vous allez loter, les conséquences après des années, et à ce moment-là, mais merci la technique, la vidéo, la biso makamnoso, et kolongwate. Oui, moi je me positionne comme un défenseur yaba bitribaliste. Je suis un activiste anti-tribalisme. Oui. Alors, être activiste anti-tribalisme, il faut que l'obéla tribalisme en gros, il faut identifier en gros, localiser en gros. Vous identifiez le tribalisme, vous localisez Yango, et puis vous dénoncez. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je fais. Ce que vous avez dit, tribalisme, c'est que vous avez dit le kouta, vous avez dit le kouta, vous avez dit hypocrite, vous avez dit flatteur. Alors, vous dénoncez pourquoi? On n'a pas vécu cette histoire à l'époque de Mobutu. Oyo tozomona lelo à l'époque de Mobutu tomoni yango te. À l'époque de Laurent Désiré Kabila tomoni yango te. même à l'époque de ces Joséphou, Tomoni Yangote. Alors, pour bah, y a un système, il y a sika, il y a tribalisme, la gestion, il y a mboka na biso, to dénoncé, te, bat bazo dénoncé, boza bat tribaliste, et pourtant, binonde bat boza bat tribaliste. Pardon. Protégez-nous. Protégez-nous. Et nous demandons, Naebi que Fabien Koswanika, par exemple, Azali na ba vidéo en dengwana et belé. Et bazaka, bazaka yé mon côté. Et belé, parce que ba Monica a que non. Même si Bango Bazali na approche yako détruire batou. Mais biso tozan na approche yako détruire batou te. Biso to, problème na biso Azali, nous sommes des frères et sœurs. Il y a un problème dans la famille. On identifie les problèmes, on localise les problèmes, on dénonce, on l'arrange. Moi, je pense que ce qui est que Namoussala, si par exemple j'avais une fonction publique, ce qui est engagé, il y a tribu, il y a ethnie, je vais m'amender. Non. Oh, ils allaient fonction publique, j'ai exagéré quelque part. Et je vais m'amender. Mais nous sommes en face des gens qui ne s'amendent jamais, qui n'acceptent jamais faute na bango, erreur na bango, ba dérapage na bango, ba accepte na bango jamais. Alors que voulez-vous? Bango bazana approche ceux qui au lobby, au critiquer gestion ya mboka, au critiquer ba famille na bango te. Vous n'avez pas critiqué la cuisine de la maison de Félix. Vous n'avez pas critiqué l'habillement de Félix. Vous n'avez pas, vous avez critiqué la gestion nationale. C'est un droit fondamental. Mais Bango Bazo Komisango, un problème privé et ça devient ennemi. Au lieu d'une opposition, pour na Bango Ezali qui est ennemi, il faut pas lukayo au place aux Ali. On vous demande, nazana courrier, moko na tindela na DHL, tindela nga adresse na yo. Vous êtes bête ou comment? Ngai na zo adresse na ngana tinde la yo po yo tinde na courrier à DHL que oyo zali ko tukolo bate courrier ngwe zanine kaka tinde la nga adresse na tinde courrier prof nazana makam moko très urgent pesa nga numéro na yo mais azo komela nga ndengo na messenger na message on est en privé à messenger on est en privé likamboza na ngo yebisa ngai mais pourquoi olingi na pesa ka numéro parce que quand je vous donne le numéro mon adresse peut-être retracée. Bo yanga noa. Eza la numéro passe un mois. O nazana, ba numéro nazana ngo. Ba adresse, eza ba adresse nanga ite. Ah oui. Alors, si ko bo sa la nini. Ce que nous voyons na inbox, c'est inacceptable. Alors, Fabien Abimisika ka moko, wana ba benga ngo, bombe atomique. Yangwana penza. E kweli bango na ndenge moko inatandi. Bazela ki yangote. Bazela ki yangote. E bele siko ba lamuki. E, guru na biso njo kande azalaka boye. Azalaka boye. L'argument que vous avancez, âge, azalaki na âge, âge. Bon, âge wana siko azo ko kambo ko memorize ma kamote. Na présidence ayeko azo salanini. Ayeko luka. Campagne pour na pour na comme président ndenge nini ah oui hein? Ah oui ah oui phrase ya muke kaka hein? Un docteur en droit wa yebite que adresse web ezalaka www.misato mais notre docteur a droit à zopé sa W5. Ah, wana vraiment isa web ya kabe ya kamu angabe web nini wana. Hein? Projet de société ikelevé. Projet de société isate. Azo a registré ba message, excusez-moi. Message pour la campagne. alobela projet de société na ye ezate kaka zo senga support mbongo bo cha mbongo mbongo kaka yango pe ya pesi aden wana projet ezate Etienne Tshisekedi n'avait pas un projet de société asala ki nangote o atie temba zala ki nango bimisa yango totala yango. Et d'ailleurs, il y a un livre à titre posthume. Et ça, les makuna na IDPS. Pour ba kosa batuke, Etienne Tshisekedi era kufi na table na yatika ki projet à livre. Bazo sala yango, na si makuna na 10e rue. Ba msu ba osala yango, il y a deux, trois équipes. Équipe moko ezali na 10e rue, équipe moko ezali na Belgique, équipe msu ezali na États-Unis. Bazo koma livre. Ba kosa ki Etienne Tshisekedi moto akoma yango. To yebi. Muto akoma livre ye wana. Muto akoma livre ye wana. Moi, à part le mot à radical, o na yebe la ki ye. Na bo kangelanga ye, na ligote. Ba mo na yebe la ki ye kaka ya mwana. Je n'ai jamais entendu, Etienne Tshisekedi Mulumba, tenir un propos d'un docteur en droit. Atikala peko de montrer ngo isika mokote a part na limete na 10e rue ko bangisa batunaye. Ah, soki bolobi bongo yo. Ah, bota la photo na sima na ngai. Na kati wana muyaka moko azati. Aha. Na lobaki na bando ya na sima na ngai na pièce contre pièce. Na banda waya na sima na pièce contre pièce. Mais mutu oyo muyaka oyo cuisinier oyo wana ezalaki université ya Sydney na Australie. Oyo bomoni wana ce sont des professeurs d'université qui sont venus partout na Australie na Nouvelle-Zélande. Ah, cuisinier yo na liboso. Siko azo sala nini kuna. Azo sala nini liboso wana. D'abord, na vana nostalite. Vraiment, batu wana ba baby sa tike na bango. Hotel, makamonyoso na ba assurance de vol. Ba longolio esiko vandi na mboka ya Kore. Ti okei na Australie, ti Nouvelle-Zélande. Ba futu leo botel, ba taxi, nyoso, kolia, nyoso. Mutu o vraiment yebi lokote. Bola kisanga esika ba bengi sa Félix ava ba pesa ye pouvoir e pa Kabila. Bola kisanga esika ba bengi sa ye na mboka moko boye. Eza la kaka na Belgique esika avanda ke manda koteka ba pizza. Bola kisanga esika ba benga ye boye même dans une université ou bien même kaka na organisation moko ba bengi sa ye. Bola kisanga mkolo, bola kisanga photo, bola kisinga original la photo. Lobi na tongo ba ndeko boko mana page nanga yombi rip. Na longwe pa Félix, ye moko Etienne Tshisekedi. A part ko kosa batu na Congo, ba marche, parce que batu na biso, boyebi kaka ndenge ba ajisaka. Ba yambaka na bango mutu nyonso. Montrez-moi une photo, pas deux, une photo d'Etienne Tshisekedi. Dans une salle. Na ba salle corrompi ya biso te, na Congo te. Na libanda, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Montrez-moi une seule photo de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. À réunir Bakor académique boy. Parce qu'il était docteur en droit, n'est-ce pas? À réunir Bakor académique. Montrez-moi. Ezana mutumoko oyo avandi ce qui je vous dis souvent mutumoko c'est un fou comme ça azala soi na mboka Canada. Na ebite batu mususu ce sont des gens que franchement ovandi ermoko tali mais ses frères ici même tokutani boye na nzela à part Makofi c'est pas quelqu'un ko pousala na ngai. Ba camarade na ye oba van na baona Canada kuna van na soki na Ottawa. Ba tindelanga ba video ebele me. Oyo ba Hollanda video oyo pa na Facebook. Na Facebook image ezate désolé bozo mona ngote. Oyo bazali na YouTube. Bomoni liboso na ngai so landika ka ranger wana likolo. Kaka liboso na ngai bozo mona ezali lokola couloir. Na katikati, vous voyez la première personne à zomona lokola za indien. Bomoni mama oyo une blanche. Avandi pembeni na une femme comme ça alati qui tambala lokola ba musulman. Bande ko bovandi na mboka ya Canada boyebie. Boyebie. Mama wanas ti lelo ndenge na zolo ba awa ti lelo ye mutu azoya après ministre ya immigration na citoyenneté ya mboka wana mama wana bozomona au départ d'abord azali professeur d'université ye wana bozomona ye wana mama wana na ebite notre fou wana vandi kuna na mboka wana eloko ye azana okuna ezali social ba pesa ye mbongo ndako na leta ba pesa ye mbongo kolia chaque mois akende ko sala bana ko sala na cuisine moko kuna ya social ça c'est vrai batindilanga ba video na ye voilà donc ya autre bi pièce contre pièce parce que ce garçon-là, c'est un petit garçon, un vanipier. Na koyi ko sa il a été ce que Fabien a fait. Parce que oyo Fabien sali, ezali juste ezali ko toucher sommité ya royaume. Alors lui azali mutu moko. Mais la vidéo que j'ai vue, azala ki cuisinier na social na mboka ya Ottawa. Ba longo la ye pe mutu na ye eza bien te. So avandi kaka bo azolo mabiloko azoni kisa mutu loko la mutu moko bo mani mutu libo maso ye bandi. Bato mabili, me mutu oyo awa bazo lamba biloko ya batu asosial awa. Tozo mwana mutu na eza bien te. Bo longo la ye akena otali sa mutu. Ba longo la ye. So ki na kosi ki abande kosa la sosial te. Abima lo basali na socialité ala ki sabiso musala place salaki. Donc, mais vous savez, des petits garçons comme ça dérangent R moko parce que R tozali concentré yako conscientiser batuna biso ce sont ces petits pareils o bazali koya ko déranger batuna biso parce que chez nous vous savez l'esprit ba construit zakayango. Batuna biso ebele oyo bazui opportunité wana te ya okende na classe. Alors le mental conscience ezali penza stable été. Malem tozo conscientiser bango. Alors, je disais que protéger nous bo protéger batulokola ba Fabien, batulokola ba Kerwin, batulokola ba Gino Will, batulokola Ngai moko, monsieur Honoré Mbanda, madame Kasavubu, bazali ebele. Tozali na besoin de protection. Protection spirituelle et protection physique. Ba utiliser yote, non, lokolo solo lakana prof yombi, sengelanga adresse na ye, pana, même toye bani na repesso adresse na gaten. Même ma cousin n'angaï penza biologique, ba yebi adresse n'angaï. Non, je ne donne pas. Je ne donne pas. Tokoutani et tokoutani un restaurant. Nanda kou n'angaï. Voilà. Donc, merci. Pona lelo. Ba pièce contre pièce, biso tozouya karna ba pièce, mais. L'autre partie, bah, contre-pièce, tozo mon agate. Tozo mon agate, tozo mon angote. Ata moko, tomoni naute. Voilà. Donc, merci beaucoup pour Nako Landabiso. Merci pour Nako Bos abonné, Bandeko au Bazalina YouTube, même au Bazalina Facebook. Si vous avez la possibilité de s'abonner, vous abonnez. Abonnez-vous d'abord. Par la suite, Mboka chance, c'est le Ropamba. Alors, Bandeko au Bazal, déjà na YouTube, na Bango, Bakoye Kolanda, si tout va venir na diaspora. Et vous abonnez. Ezaka ate ke boza ba passager bozo le kaka botala après l'équipe. Mais non, bo s'abonner, on s'appuie. Tozali kotoka boye po na mboka na biso. Alors, encouragez-nous na ba action aux abonnés. Tozomona ke non, nazo ba na mo PPT, ba tu bazali bazo landa biso. C'est facile. Ezali ka likambo ya souris na yoka bien musapi. O cliquer kaka abonnement, s'abonner et puis o cliquer notification. So toza na ligne notification royale là yo. Et merci, courage na ba acteur ya éveil patriotique nyonso. Vraiment, c'est pas facile to yebi yango, nga moko na yebi parce que je suis dedans. Ne lâchez pas, to continuer toujours ko conscientiser peuple na biso, bato na biso jusqu'à ce que des anti-valeurs ba kolongwa ba okende. Donc les lois ezalaki pour na ko dénoncer mensonge de Félix na Nations Unies, il a menti la communauté internationale. Tout ce qu'il a dit, c'est juste dans son imaginaire. Rien de concret, exact. Exact. Gratuité et enseignement, tout le monde a vidéo, bazo c'est un bongo. Dans des écoles maintenant, c'est devenu des frais techniques. Des frais techniques, wana ba para bazo ko refutate. Alors, et soyons prudents, soyons vigilants. Nous allons libérer notre pays. Et donc libérer pays kaka na kovanda te okangi maboko, non? Appuyer bato oyo bazali ko éveiller conscience. Je ne dis pas quoi appuyer bango na mbongo, mais si vous avez des moyens. Il y a des gens où basali ko se poumoner peut-être pour kozwa ko somba micro, pour na ko somba moi casque, pour na ko somba moi singa, pour na ko somba moi voilà, ozanango vous pouvez sacrifier mbongo ko somba bière ya mukolo moko, vous donner un chroniqueur de veille patriotique. Mabeza wapi. Voilà. Merci beaucoup pour aujourd'hui et au revoir.